Oui, ben c'est comme aussi le phénomène des fois, les gens disent ah, je suis content que tu sois là parce que je me sens moins seul. Puis justement, depuis des années que j'essaie de faire que les gens se rendent compte que quand ils se sentent seuls, puis qu'ils vibrent au sentiment de se sentir seul, que justement, c'est pas réel. Donc, ça veut dire que tant que la personne, elle va se sentir seule, il y a de quoi qui bloque. Va falloir transcender ça. C'est un petit peu ça, là. C'est pour ça que des fois, il y a du monde, ils veulent trop être plusieurs à vivre ce qu'ils vivent. C'est individuel, ces choses-là. Puis, plus ils vont être dans l'attente de ne pas se sentir seul, puis plus ça va, ils se retardent. Le sentiment de solitude, c'est pas réel, ça. C'est justement lié à des vieilles réminiscences d'époque où justement on est vulnérable, puis qu'on ne se sent pas en sécurité, entre autres, puis qu'on a besoin de se sentir accompagné, puis vu comme un bébé qui a besoin de ses parents, puis d'une famille. Puis plus ça va, plus on va créer des milieux familiaux instables, puis froids. Ça va faire des enfants de plus en plus angoissés, que plus tard ils vont se sentir seuls. C'est là que je me dis, c'est vraiment. On dirait que je pensais qu'avec le temps, on irait vers. Il y aurait de plus en plus d'individus qui auraient quelque chose qui se passerait, puis que ça finirait par faire. Mais j'ai l'impression. Je commence à me dire, est-ce que le phénomène ne va pas devenir de plus en plus intense, mais pas nécessairement moins rare? Par rapport aux gens qui s'éveillent? Ouais.